الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence maintenant le cours 58 dans l'explication du livre de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, Kitab al-Tawhid. Et avec le charh de Sheikh, le petit-fils de Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire le Sheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, dans son charh Qurrat Uyun al-Muwahidin, et les commentaires de Sheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, de son livre, et c'est At-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin. Donc on est toujours dans le chapitre au sujet de Babun ad-du'a'u ila shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire yani l'appel au témoignage de la ilaha illallah. Et c'est le cinquième chapitre, donc dans le livre. On est en train d'expliquer la fin du hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu au Yémen pour appeler les gens du livre à l'islam. Et on a expliqué plusieurs points qui ont rapport avec ce hadith déjà. Donc, on commence à partir de l'endroit où on a laissé la dernière fois. Et le Cheikh, il explique maintenant, il dit, « فَكَانَ قَوْلُهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ لَا يَنْفَعُهُمْ لِجَهْلِهِمْ بِمَعْنَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ كَحَالْ أَكْثَرَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ فإنهم كانوا يقولونها فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائبين والطواغيت والمشاهد فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقولهم وفعلهم وينفون ما أثبتته من الإخلاص كذلك وظنوا أن معناها القدرة على الاختراع تقليدا للمتكلمين من الأشاعرة وغيرهم وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام كما قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون إلى قوله فأنا تسحرون وقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار إلى قوله ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير وهذا التوحيد قد أقر به مشرك الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الإلهية وهو إخلاص العبادة لله ونفي الشرك والبراءة منه Donc, on va traduire tout ça, tout ce qu'on vient de lire maintenant. Et il y a des points sur lesquels le Cheikh il a mentionné, Cheikh Al-Fawzan, il a mentionné des explications sur, par rapport à certains de ces points-là. Donc, on va les lire en même temps. Donc, ici, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit que, yani, comme on avait expliqué au dernier cours, que le fait que les gens du livre soient des gens qui ont de la science du fait qu'ils disent, hein, ils savent la signification, ou plutôt, ils savent, parmi les choses qui font partie de la religion, ils savent que ce que les prophètes ont enseigné, hein, et qu'il faut croire en la ilaha illallah. Sauf qu'ils ont un problème dans leur compréhension par rapport à la signification de la ilaha illallah. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'adh au Yémen, il leur a dit il lui a dit que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils disent la ilaha illallah, hein, et qu'ils clarifient pour eux la signification de la ilaha illallah. Et on a expliqué au dernier cours que la raison pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mouaz de se concentrer sur ce point-là et de commencer par ce point-là avec ces gens-là, malgré qu'ils sont des gens du livre et qu'ils disent déjà la ilaha illallah, eh bien c'est parce qu'ils disent cette parole sans la comprendre correctement et sans comprendre sa vraie signification. Donc, avec le temps, les gens du livre, que ce soit des juifs et ou des chrétiens, ils ont commis de graves erreurs dans la compréhension de ce témoignage de la ilaha illallah, et ils ont yani, ils sont passés à côté complètement de sa réelle signification, puisque on sait que le témoignage de la ilaha illallah signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et malgré ça, donc ces gens-là, ils disent cette parole, ils disent la ilaha illallah. Mais malgré ça, ils adorent d'autres que Allah en même temps qu'ils adorent Allah. Donc, ils associent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leurs adorations, en priant à des hommes pieux, à des saints, en priant à Jésus, un prophète, en priant à Marie, hein, qui est une femme pieuse, en priant à des anges parfois, hein, également. En priant à yani, des croix, des statues, des icônes, des images, et parfois aussi en mettant leur confiance et en cherchant la bénédiction des objets, hein, comme par exemple des reliques ou des objets qu'ils considèrent comme étant saints. Et ils pensent que ces objets-là peuvent les guider, peuvent les protéger, peuvent les aider en dehors d'Allah. Donc il n'y a pas de doute que tout ça, c'est des formes de shirk majeur. Et quelqu'un qui dit la ilaha illallah et qui fait ce genre de choses, c'est clair que ce témoignage-là n'aura aucune valeur pour et aucune ne sera d'aucune utilité pour ce genre de personnes. Donc, ici, le cheikh, il explique, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, donc, leur parole de la ilaha illallah ne leur sera d'aucun profit, d'aucune utilité, à cause de leur ignorance de la signification réelle de cette parole, comme la réalité et la situation de plusieurs d'entre les musulmans qui sont venus à notre époque, dans les temps reculés de la Ummah, hein, loin de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit qu'ils disent la ilaha illallah, hein, et ça c'est la réalité de beaucoup de musulmans à notre époque dans plusieurs des pays musulmans. Ils disent la ilaha illallah. Mais ils font, hein, des choses qui sont parmi les exemples de ce qui est shirk, dans l'adoration des morts par exemple, dans le fait de prier à des êtres qui sont absents, qui sont morts ou qui... ils sont enterrés dans leur tombe, ils prient à ces êtres-là et ils prient également à des shayatines, à des djinns, ils prient à des tombes et à des endroits qu'ils considèrent être des endroits saints. Hein, ils vont dans ces endroits-là pour faire leurs adorations et des choses de ce genre. Donc, ils font en réalité ce qui est nié par le témoignage de la ilaha illallah, et qui fait partie, hein, du shirk. Donc, ce qui est nié par le témoignage, eux, ils l'affirment. Et ce qui est affirmé par le témoignage, ils le nient. Il dit, Fayatuna bima yunafiha. Donc, ils font ce qui est nié par le témoignage de la ilaha illallah. Et qu'est-ce qui est nié par la ilaha illallah? C'est le shirk qui est nié par la ilaha illallah. Et eux, ils le font. Fayuthbituna ma nafathu. Et ils affirment ce qui est nié par le témoignage, c'est-à-dire le shirk. Et le shirk qu'ils font, c'est du shirk. Il dit, bi'atiqadihim wa qawlihim wa fi'lihim. Donc ils font du shirk dans tous les degrés, à tous les niveaux. C'est-à-dire dans leurs croyances, ils ont des croyances qui rentrent dans le shirk. Parce qu'ils croient qu'ils peuvent être aidés par autre que Allah en dehors. Donc ils croient que ces créatures-là peuvent les aider et qu'elles ont un pouvoir indépendamment d'Allah et en dehors d'Allah. Ça, c'est du shirk majeur dans la croyance. Et dans leurs paroles, il y a du shirk dans leurs paroles aussi parce qu'ils invoquent et ils implorent et ils prient et ils appellent au secours. Ils demandent à des êtres qui sont morts ou qui sont absents de venir à leur secours ou de les aider. Et ça, en soi, c'est un exemple, encore une fois, de shirk majeur dans les paroles. Et ils font également du shirk dans leurs actions, en faisant des sacrifices à des tombes, à des morts, par exemple en faisant des doigts, ils lèvent les mains en direction de la tombe, ils font des sacrifices d'animaux pour la tombe, pour le mort ou pour le saint. Ils vont faire par exemple des vœux pieux, qu'est-ce qu'on appelle en arabe? Nuzur, des nuzur, yani le pluriel du mot nadr, c'est-à-dire ils font des vœux pieux aux hommes pieux qu'ils ont considérés comme étant des intercesseurs ou des intermédiaires entre eux et Allah. Donc ils leur font des vœux pieux et des choses de ce genre. Et ils font également beaucoup d'autres choses parmi les exemples de shirk qui sont faits par les idolâtres aussi. Et c'est exactement la même chose que ce que font les idolâtres. Ils font la même chose exactement pareil, sauf que ils le font en se disant musulmans. Donc la différence avec eux et les mouchrikines, c'est que les mouchrikoun, ils ne se disent pas musulmans quand ils font le shirk. Mais eux, c'est des gens qui se disent musulmans et qui répètent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, et qui font même parfois la salat et qui donnent la zakat, et qui font même le pèlerinage et le hajj et la umrah. Mais en même temps, ils font du shirk. Allah musta'an. Donc le shaykh, il dit, et il nie ce qui est affirmé par le témoignage de la ilaha illallah comme exemple de ce qui est ordonné par Allah comme ikhlas, c'est-à-dire la pureté dans les actions et dans les croyances pour que nos œuvres et nos adorations soient pures pour Allah seul et soient exclusives à Allah seul. Donc, le cheikh, il dit, ils ont pensé que la signification de la ilaha illallah, c'était seulement de croire que Allah Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'était uniquement de penser que Allah a la capacité ou le pouvoir de créer. Donc ils disent, nous, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit la ilaha illallah, ça veut dire que c'est seulement Allah qui peut créer. Donc c'est ça pour eux la signification du tawhid. Et donc, par conséquent, le fait de prier à des tombes, ou de prier à des saints, ou de prier à des morts, ou de faire des sacrifices pour les tombes, d'invoquer d'autres que Allah, pour eux, ce n'est pas du shirk. Parce qu'ils ne croient pas que ces tombes ou que ces morts peuvent créer en dehors d'Allah. Donc, leur idée, c'est ça du tawhid. Leur idée du tawhid, c'est quelque chose qui se limite uniquement au tawhid dans la rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la seigneurie et dans la souveraineté d'Allah, du fait que c'est lui le seul qui peut créer, le seul qui peut donner la subsistance, le seul qui peut faire vivre, qui peut faire mourir, et le seul qui contrôle la création et qui contrôle tout dans l'univers. Donc, si tu crois que c'est seulement Allah qui peut créer, peu importe qu'est-ce que tu fais comme shirk dans les adorations, c'est pas grave pour eux. C'est pas considéré pour eux comme étant quelque chose qui annule ta foi ou qui vient en opposition avec la ilaha illallah. Et ça, c'est une grave erreur. Et ça vient surtout de l'égarement des gens de Kalam, comme par exemple les Asha'ira en particulier, qui ont dévié sur ce sujet-là et qui ont limité le tawhid à la rububiyya seulement. Et il y a d'autres formes d'égarement qui sont introduites aussi dans la compréhension du témoignage à notre époque, parmi certains groupes de bid'a et certains groupes de hizbiyya. Et par exemple, ce qu'on trouve chez les soufis qui croient en Wahdatul Wujud, c'est-à-dire l'unicité de la création et l'unicité de l'existence. Donc ils disent que tout ce qui existe dans la création, tout ce qui existe de façon absolue, c'est Allah. Hein? Le créateur et la créature, pour eux, c'est une seule et même chose. Il n'y a pas de différence entre le créateur et la créature. Donc tout ce qui existe, c'est Allah et Allah est tout. Et tout est Allah pour eux. Et ça équivaut à la croyance en qu'est-ce que les mouchrikines, souvent, ils appellent le panthéisme, hein? La croyance que tout ce qui existe est Allah et qu'il n'y a pas deux existences, mais il y a un seul, l'existence d'Allah. Et que toutes les créatures font partie d'Allah. Et ça, c'est un exemple de shirk aussi, parce que c'est du kufr en réalité. Et ça, c'est un exemple de déformation du témoignage de la ilaha illallah, puisque eux, c'est ça ce qu'ils disent. Par exemple, ils disent, yani, la ilaha illallah, ils disent, la ilaha, hein, quand ils expliquent la ilaha illallah, ils disent, yani, la mawjouda illallah. La mawjouda illallah. Il n'y a personne qui existe ou il n'y a rien qui existe excepté Allah. Hein? Ça, c'est clair que c'est une interprétation qui est fausse. Et il y a également une autre déviation qui est plus contemporaine, c'est les gens qui ont interprété le témoignage de la ilaha illallah par qu'est-ce qu'ils appellent al-hakimiyya. Hein? Donc, quand ils parlent, par exemple, de la ilaha illallah, ils disent que ça signifie la hakima illallah. Il n'y a pas de dirigeant ou il n'y a pas de juge excepté Allah. Et donc, par conséquent, ils vont essayer d'interpréter le témoignage uniquement sur un plan politique pour justifier le takfir des dirigeants et encourager les gens à la rébellion et à la révolte. Et ça, c'est une bid'a contemporaine qui est surtout prôné par les hizbiyyin, parmi les frères musulmans, les ikhwan al-muslimoun, et également les qutbiyoun, ceux qui suivent Sayyid Qutb, parmi les contemporains des groupes de bid'a et des groupes de hizbiyya. Et de ces groupes-là, on a vu découler les groupes extrémistes les plus divers, par exemple Al-Qaïda ou bien Daesh et d'autres également, qui font le takfir des dirigeants musulmans et des ulama et de la Ummah en entier. Hein? Donc tout ça parce qu'il se base sur une mauvaise compréhension du témoignage de la ilaha illallah. Aussi, on voit comme l'exemple de Cheikh, qu'est-ce qu'il a mentionné le Cheikh ici, ceux qui expliquent la ilaha illallah en disant que ça c'est al-qudra ala l'ikhtira, eh bien ça c'est une fausse compréhension, puisque c'est quelque chose qui vient limiter le tawhid à une partie seulement du tawhid, et cette partie du tawhid, eh bien, comme le cheikh il le dit lui-même, eh bien, c'est une partie qui était affirmée même par les mushrikines de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et même avant cela, les mouchrikoun, ils disaient, hein, ils disaient que c'est Allah le seul qui peut créer. Et ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. C'était pas suffisant de leur part de dire ça pour qu'ils soient considérés comme étant des musulmans. Et il y a à ce sujet-là beaucoup de preuves dans le Coran et dans la Sunna. Et parmi les exemples, le verset 84, pardon, oui c'est ça, le verset 84 dans Sourate Al-Mu'minun. Et dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne yani, les preuves que les mushrikoun, à l'époque, ils croyaient en la rububiyya eux aussi. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas considérés comme étant des croyants. Et l'exemple de ça, c'est les versets que je vous ai dit, de 84 à 89. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets ce qui signifie, dis au Muhammad, à ses mushrikines, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. Ils diront à Allah. dit, ne vous souvenez-vous donc pas? Donc, même ils diront, c'est-à-dire les mouchrikoun, ils vont dire à Allah, que c'est à Allah qu'appartient la terre et tous ceux qui y sont. Donc, ça, c'est la preuve qu'ils croient en la rububiyya. Ils croient que Allah existe. Ils croient que c'est lui qui a créé la terre et les cieux et que c'est à lui seul que tout cela appartient. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour qu'on les considère musulmans. Une autre question qui était mentionnée ici par Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, dis au Mohammed, qui dit à ces mouchriquins, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime? Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, ils diront, il appartient à Allah. Hein? Dit, ne craignez-vous donc pas? Hein? Donc on voit ici encore une fois, ils répondent les mouchriquins que les sept cieux, hein, et le trône d'Allah, tout ça appartient à Allah seul. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur dit, ne craignez-vous donc pas? C'est-à-dire malgré que vous savez que tout ça appartient à Allah, vous n'avez pas peur de continuer à faire le shirk et d'adorer d'autres que lui? Hein? Donc il est en train de les réfuter en utilisant la rububiyya comme argument pour les amener à affirmer al-uluhiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans l'adoration. L'autre question ensuite qui est mentionnée dans le verset suivant, ils diront, hein, dit le verset 86, on a lu ça, le verset 87 aussi, et le verset 88 dit au Muhammad, à ses mouchriquins, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Dites si vous le savez. Et dans le verset 89, ils diront Allah. C'est-à-dire, les mouchrikoun, ils répondent encore une fois que c'est Allah qui détient la royauté absolue de toutes choses et qui protège et qui n'a pas besoin d'être protégé. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis-leur dans ce cas-là au Mohammed, comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés au point de ne pas croire en lui? C'est-à-dire, au point de ne pas croire en lui et de continuer à faire du shirk dans vos adorations, malgré que vous savez que c'est lui seul le maître. Et que c'est lui seul qui détient tout dans la création. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala les a réfutés en mentionnant justement leur foi en la rububiyya comme argument pour détruire leur shirk et les amener à affirmer le tawhid dans al-uluhiyya. Un autre exemple de ça, c'est le verset dans Surat Yunus. Et c'est le verset 31. Et dans cette surah, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise la foi des mouchriquins qu'ils ont en la rububiyya pour les amener à affirmer la foi en tawhid al-uluhiyya, puisqu'ils ne veulent pas croire en al-uluhiyya, c'est-à-dire en l'unicité d'Allah dans l'adoration et le fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et on voit ça dans ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Dis au Muhammad à ses mouchriquins, qui vous attribue la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue? Et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant? Et qui administre tout? » Ils diront, c'est-à-dire les mouchriquins vont dire « Allah ». C'est-à-dire, ils vont dire que c'est Allah qui attribue la nourriture des cieux et de la terre et qui détient l'ouïe et la vue et qui fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant et qui administre tout dans la création. C'est Allah qui fait ça. Ils le savent et ils y croient. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Dis alors, Muhammad, à ces mouchriquins, ne le craignez-vous donc pas hein? » C'est-à-dire, ne le craignez-vous donc pas et allez-vous continuer malgré ça? Malgré que vous savez que c'est Allah le maître, le seul. Malgré ça, vous allez continuer à adorer les idoles et à prier d'autres que Allah. Donc, encore une fois, c'était pour les réfuter sur ce sujet-là. Et le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, et il y a plein d'exemples de ce genre de versets dans le Coran. Par exemple, « Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaqulun Allah. Wa la in sa'altahum man khalaqahum, la yaqulun Allah. » Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire Allah. Si tu leur demandes qui les a créés eux, ils vont dire Allah. C'est-à-dire les mushrikoun, malgré qu'ils adoraient Al-Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat, Wa-Hubal et toutes les autres divinités qu'ils adoraient en dehors d'Allah, malgré ça, si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, qui les a créés eux, qui contrôle l'univers, qui détient l'ouïe et la vue, qui fait vivre le vivant et le mort, ils disent Allah. La même manière qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se disent musulmans et qui disent La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Et pourtant, ils prient à des tombes, ils prient à des morts, ils prient à des saints. Et ils demandent l'aide d'Allah à des créatures. Ils demandent de l'aide à autre que Allah parmi les créatures. Donc ça c'est la preuve que c'est des gens qui répètent La ilaha illallah sans avoir compris sa signification. Parce que les mouchrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils croyaient eux aussi en la rububiyya. Mais ils refusaient de dire La ilaha illallah. Ils refusaient de dire La ilaha illallah parce qu'ils savaient qu'est-ce que ça impliquait et que c'était en contradiction avec leur croyance. Parce qu'ils croyaient en l'unicité d'Allah dans la rububiyya et dans le fait que c'est lui seul le créateur, mais ils voulaient continuer à faire du shirk et à prier d'autre que Allah et à adorer autre que Allah. Alors ils refusaient de dire la ilaha illallah pour ne pas se contredire. Pour ne pas se contredire, c'est-à-dire dire la ilaha illallah puis continuer à prier des créatures et à demander à des créatures en dehors d'Allah et à les prendre comme des intermédiaires entre eux et Allah. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui se disent musulmans et qui prient à des morts et à des tombes et qui disent la ilaha illallah, le malheur avec eux, c'est qu'ils n'ont pas compris la ilaha illallah et donc par conséquent, ils le répètent et puisqu'ils n'ont pas compris sa signification, ils n'ont pas peur de se contredire en le disant. Contrairement aux mushrikin, hein, qui l'avaient bien compris et qui refusaient de le dire justement pour éviter de se contredire. Nasallallahu al-afiyah. Et ça, c'est une compréhension du Coran qui est établie, hein, qui est mutawatir, qui fait partie des muhkamat, des choses claires dans le Coran. C'est pas un ijtihad d'un alim, hein, ou quelque chose qu'un savant a inventé. Non, ça c'est des versets et des versets et des versets qui mentionnent ce principe et qui le répètent à chaque fois, hein. Et qui établit cette compréhension basée sur des versets clairs et explicites. Et les imams de l'islam, depuis l'époque des salafs jusqu'à nos jours, ils ont compris ces versets-là de cette façon. Hein, depuis les sahabas jusqu'à aujourd'hui. Sauf malheureusement les gens de Bid'a et les Qubouriyins à notre époque. Et le cheikh, il a mentionné certains points par rapport à ça, le cheikh Al-Fawzan. Yani dans le fait que ces gens-là ils se contredisent, ils contredisent le témoignage de la ilaha illallah dans leurs croyances et dans leurs paroles et dans leurs actions. Et il dit le cheikh Al-Fawzan hafizahullah, yaquluna hadha huwa al-islam, yani ibadatu al-qubur wa at-taqarrub ila al-amwat huwa al-islam, walladhi la yaf'alu hadha laysa bimuslim wa ya'tabirunahu min al-khawarij, nasallallah al-afiyah. Donc il dit, le cheikh Al-Fawzan, il dit aujourd'hui, c'est ce qui arrive maintenant. Les gens, leur compréhension de l'islam, elle a été complètement renversée, tête à l'envers. Pour beaucoup de gens, malheureusement. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre eux, ils considèrent que d'adorer les morts et de prier aux tombes et de faire des pèlerinages aux morts, ils pensent que c'est ça l'islam. De se rapprocher des morts et de demander l'aide des awliyas, des assiades, il dit c'est ça l'islam. Et celui qui ne fait pas ça pour eux est considéré comme s'il était un kafir. C'est-à-dire, si tu n'adores pas les tombes, si tu ne pries pas aux morts, tu n'es pas un musulman pour eux. Et ils disent même que celui qui condamne ceux qui font ça, ou qui critique ceux qui prient à des morts et à des tombes, eh bien c'est un kharij, il fait partie des khawarij. Hein? Et ils vont les appeler des wahhabis. Ils disent, ah, ça c'est des wahhabis, c'est des khawarij. Hein? Ils critiquent le fait d'adorer les tombes et les morts et de faire un culte aux saints. Hein? Ils disent, ça c'est des extrémistes. Alors qu'en réalité, c'est ça l'islam, c'est ça le tawhid. Donc qu'est-ce qui est shirk? Ils considèrent que c'est le tawhid Et qu'est-ce qui est le tawhid? Il considère que c'est le kufr et le shirk. Et qu'est-ce qui est le yani al-i'tidal wa tamassuk bis sunnah? Eux, ils considèrent que c'est de l'extrémisme et de l'exagération. Alors qu'on sait très bien que la réalité des khawarij, c'est pas de faire le takfir des gens qui font le shirk ou le kufr majeur, mais c'est de faire le takfir de musulmans qui commettent des péchés, hein? Ou bien des formes de shirk mineurs et des formes de kufr mineurs. Eux, ils les font sortir de l'islam pour ça. Donc ça, c'est une grande différence entre les gens de la sunna et les khawarij. Mais bien entendu, les gens de bid'a, hein, ils ne tiennent pas compte des appellations et de la réalité des choses. Ils vont utiliser n'importe quel sobriquet pour dénigrer les gens et pour faire peur aux gens, pour essayer de les faire fuir de la vérité. Et en ce qui concerne l'interprétation des asha'ira, du tawhid et de la signification de la ilaha illallah, quand ils disent la ilaha illallah, ça veut dire la khaliqa illallah, hein? Ou bien al-qudra ala l'ikhtira', si tu crois que Allah est le seul qui peut créer, ça veut dire que t'as compris la ilaha illallah. Et que même si tu pries à des saints ou à des tombes, et que tu prends des intermédiaires entre toi et Allah dans l'adoration, tu restes un mouahid et tu restes un muslim. Même si tu pries à des tombes et à des morts, c'est pas grave parce que tu crois que c'est Allah seul qui est le créateur. Et donc tu les vois, ils vont dire aux gens, oui, ces gens-là, ils adorent des tombes et des morts, mais si tu leur demandes qui a créé le ciel et la terre, ils vont dire Allah. Donc ça, c'est la preuve que ce sont des musulmans. Et quand tu leur dis oui, mais même les gens de Quraysh, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu leur demandais qui a créé les cieux et la terre, ils disaient Allah aussi. Hein? Et ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Hein? Donc comment toi tu considères que ces gens-là aujourd'hui, parce qu'ils disent que Allah c'est le seul qui peut créer, malgré qu'ils prient à des tombes et à des morts, que ça les rend musulmans ou que ça fait qu'ils restent musulmans. Donc ça c'est à cause de leur ignorance de la réalité de la signification du tawhid et de la ilaha illallah. En réalité, comme on l'a déjà expliqué, la ilaha illallah, ça ne signifie pas al-qudra ala l'ikhtira' ou bien la khaliqa illallah, mais plutôt la ilaha illallah, la vraie signification, c'est la ma'bouda bihaqqin illallah. Il n'y a rien qui est adoré et qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il est faux, il est batil. Hein? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, il faut le rejeter. Et c'est une obligation pour le croyant de le rejeter et de s'en désavouer et de se désavouer de ceux qui l'adorent. Hein? Donc ça, c'est la réelle signification de l'islam et du tawhid. Donc ensuite, après ça, le cheikh Al-Fawzan, il dit المتكلمون هم علماء الكلام والنظار الذين بنوا عقيدتهم على علم الجدل والبراهين العقلية كما يسمونها ولم يبنوها على الكتاب والسنة يقولون معنى لا إله إلا الله لا يقدر على الاختراع أو لا يخلق أو لا يرزق إلا الله فيفسرونها بتوحيد الربوبية وهذا تفسير باطل لأن هذا كان يقر به المشركون من قبل ولم يدخلهم في الإسلام بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه واستحل دماءهم وأموالهم ليس المقصود من التوحيد هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بل المراد الإقرار بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. Donc le cheikh il dit que les gens de kalam, ceux qu'on appelle al-mutakallimun, ce sont en réalité ceux qu'on appelle les philosophes, hein, les gens qui utilisent la philosophie, ou bien yani certains disent la dialectique, ou bien la logique grecque, hein, la logique grecque pour débattre. C'est des théoriciens qui ont bâti leur croyance sur la philosophie et sur la théologie spéculative basée sur la raison et basée sur la logique grecque. Et ils pensent que c'est par ces moyens-là qu'ils peuvent arriver à connaître la croyance en Allah et la réelle signification de ce que comment Allah subhanahu wa ta'ala doit être yani doit être connu et compris hein, par rapport à ce qui est déterminé par la raison et la logique, comme les Grecs l'ont déterminé ou l'ont établi dans leur philosophie. Et ils vont interpréter le Coran et la Sunna selon ces règles qui ont été établies justement par ces philosophes. Et pour eux, c'est ça, la aqida. Et par conséquent, ils ont expliqué le témoignage de la ilaha illallah comme signifiant que rien ne peut créer excepté Allah. Où personne ne peut donner la subsistance excepté Allah. Et ça résume donc, en réalité, ça se résume à expliquer le tawhid par la rububiyya. Et de dire que le tawhid, c'est de croire en tawhid al-rububiyya seulement. Donc ils ne se sont pas basés sur les preuves du Coran et de la Sunna pour déterminer la réelle signification de la ilaha illallah. Parce que si on regarde dans le Coran, on va comprendre la signification de la ilaha illallah très clairement, puisqu'il y a beaucoup de versets qui paraphrasent la signification de la ilaha illallah. Et dans tous ces versets-là, on peut clairement comprendre que la signification de ce témoignage, c'est de rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'affirmer que seul Allah mérite d'être adoré. Hein? Donc le tafsir, l'interprétation du témoignage de la ilaha illallah, quand on regarde dans le Coran, comme on l'a lu dans les premiers chapitres de Kitab al-Tawhid, on a vu que dans tous ces versets-là, la ilaha illallah est toujours expliquée dans les versets comme étant le fait d'affirmer que seul Allah mérite d'être adoré et que tout ce qui est adoré en dehors de lui est à rejeter. Par exemple, yani, U'budullah wajtanibu al-taghut. U'budullah wajtanibu al-taghut. Adorez Allah, ce qui veut dire adorer Allah seul, et écartez-vous du taghut. Et le taghut, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Ou bien, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, par rapport à Ibrahim, « Innani bara'um mimma ta'budun, illa alladhi fatarani fa'innahu sayahdin. » Donc, encore une fois, on voit la signification de la ilaha illallah qui est expliquée par ce verset. Yani, je me désavoue de tout ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé. Donc, la ilaha illallah, encore une fois. Dans d'autres versets, par exemple, il dit « وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ » Bon, ici, Allah a ordonné que vous n'adoriez rien excepté lui. Donc, encore une fois, le témoignage de la ilaha illallah, il est exprimé clairement que vous ne devez rien adorer excepté Allah. Donc, la signification de la ilaha illallah, elle revient au tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, fil uluhiyya, fil ibada, donc dans l'adoration. Et c'est ça la réelle signification du tawhid, qui est le tawhid qui fait que quelqu'un entre dans l'islam. Si quelqu'un n'a pas établi l'unicité dans l'adoration, il n'est pas encore entré dans l'islam. Même s'il a cru en la rububiyya, même s'il croit que Allah est le seul créateur, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour que quelqu'un soit considéré comme étant un musulman. Hein? Et c'est ça que le cheikh il explique ici. Il dit donc, ceux qui pensent que la signification de la ilaha illallah, c'est qu'il n'y a pas de créateur excepté Allah, ou personne ne peut créer excepté Allah, ou personne ne peut donner la subsistance excepté Allah, et ça veut dire donc qu'ils interprètent le tawhid comme étant le tawhid dans la rububiyya, et bien ça c'est un tafsir qui est batil, qui est faux. Pourquoi? Parce que sinon on aurait considéré dans ce cas-là les premiers parmi les mouchriquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant musulmans. Hein, puisque eux, ils disaient la ilaha illallah dans le sens de la rububiyya. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient que Allah c'est le seul créateur et que c'est lui le maître de l'univers et que c'est lui qui a tout créé. Hein. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et il a rendu leur sang et leur bien licites. Donc ça prouve quoi? Ça prouve que le but du tawhid, ce n'est pas d'appeler les gens uniquement à croire que Allah c'est le seul créateur, est le seul maître, hein, mais plutôt à croire que c'est seulement Allah qui mérite l'adoration et que tout ce qui est adoré par les hommes en dehors de lui est batil, est faux, est rejeté. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Et quand tu vois, par exemple, comme je disais tout à l'heure, certains parmi les gens de Bid'a à notre époque, que ce soit les gens de Tablir, Jama'atou Tablir, quand tu leur demandes la signification de la ilaha illallah, dans leur sifat sitta, ils ont 6 qualités auxquelles ils appellent les musulmans à adhérer. Et le premier d'entre ces qualités, la première d'entre ces qualités-là, c'est yani, d'appliquer la ilaha illallah. Et quand ils l'expliquent, ils l'expliquent uniquement par la rububiyya. Ils disent, c'est-à-dire de témoigner que la ilaha illallah, ça implique que Allah est le seul qui est le créateur, le seul qui donne la subsistance, le seul qui peut faire vivre et qui peut faire mourir, et le seul qui contrôle tout dans l'univers. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils disent aux musulmans qu'il faut accepter la rububiyya et que la signification de la ilaha illallah, c'est que Allah, c'est le seul qui est le créateur et le seul qui donne le risque. Et ça, c'est une chose que même les premiers parmi les mouchriquins, ils ont accepté. Et ça ne les a pas fait rentrer en islam. Donc, quand vous demandez à des gens de Jamaat Tablir, par exemple, quand vous voyez des gens de Jamaat Tablir qui appellent les musulmans à les suivre et à aller avec eux, vous leur demandez ça. Dites, qu'est-ce que signifie la ilaha illallah? Et vous allez voir qu'ils ne savent pas qu'est-ce que signifie la ilaha illallah. Ils ne savent pas autre chose que le tawhid dans la rububiyya. Et la raison pourquoi ils ne savent pas la signification de la ilaha illallah, c'est parce qu'on ne leur a pas enseigné dans ce groupe. Puisque les fondateurs de ce groupe de Jamaat Tablir, comme Mohamed Elias Al-Kandahlawi, il fait partie de l'école en Inde qu'on appelle l'école des Diobandiya. Et cette école-là en Inde, c'est une école soufie. Et ils suivent dans la Aqida une secte ou un groupe qu'on appelle Al-Aqidatul Maturidiya. Al-Maturidiya, de la même manière que Al-Ash'ariya, c'est des gens qui font partie de Ahlul Kalam. C'est des gens qui font partie de Ahlul Kalam. Et pour eux, le Tawhid, ça se limite uniquement à affirmer l'existence de Dieu et que Allah est le seul créateur. Si tu crois ça pour eux, t'es un mouahid. Même si tu pries à des saints et même si tu adores des tombes. Hein? Et donc, c'est pour ça que ces gens-là, ils n'ont rien compris à la signification de la ilaha illallah, malheureusement. Et tu vois beaucoup de gens comme ça. Ils font des pèlerinages. Ils vont marcher loin dans les montagnes. Ils vont aller loin, faire des voyages comme ça pendant une bonne distance comme ça pour aller à la tombe d'un wali. Pour aller demander la baraka, pour aller demander le risque, pour aller demander le shifa, pour aller demander la guérison, ou la subsistance, ou la protection, ou toutes sortes de choses. Au lieu de demander à Allah seul, il demande à une personne qui est morte et enterrée, hein, qui n'a même pas de pouvoir de s'aider elle-même. Comment pourrait-elle aider quelqu'un d'autre, hein? Donc tout ça, c'est pour faire comprendre que à cause d'une fausse compréhension du témoignage de la ilaha illallah, beaucoup de musulmans font du shirk et continuent à faire le shirk sans savoir qu'ils sont en train en réalité de contredire ce que l'islam a enseigné comme fondement parmi les plus importants fondements qui sont éclairés et clarifiés dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique le verset qu'on a lu tout à l'heure, qui est le verset 84 à 89 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, c'est-à-dire, il dit, yani, à qui appartient la terre et ce qu'il y a dessus, si vous savez. Et les mushrikoun, il dit à Allah, hein. Et il pose plusieurs questions de ce genre. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit par rapport à ça, « Dalla ala annahum muqirruna bitawhid al-rububiyya, li'annahum idha su'ilu liman al-ard wa man fiha, wa man khalaqa al-samawati wal-ard, wa man khalaqahum yaquluna Allah, فهم مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. Donc, encore une fois, le cheikh, il dit, c'est la preuve que ces gens-là croient en l'unicité d'Allah dans la rububiyya, dans la seigneurie, dans la souveraineté. Et lorsqu'on leur pose la question, qui a créé la terre et ceux qui sont dessus, ou ceux qu'il y a dedans, ils disent, Allah. Et qui a créé les cieux et la terre? Et qui les a créés, eux? Ils disent, Allah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont affirmé et ils croient en le tawhid, dans la rububiyya, dans la seigneurie d'Allah. Et que c'est Allah le seul maître et le seul seigneur, et le seul créateur et le seul pourvoyeur. Hein? Ils savent tout ça. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. C'est-à-dire le fait de croire en ça n'a pas fait d'eux des musulmans. Et ne les a pas fait rentrer dans le cercle de l'islam. Puisque pour rentrer dans le cercle de l'islam, il faut croire en l'unicité d'Allah dans l'adoration. Tawhid fil ibada. C'est ça le plus important dans le tawhid. Et quand tu vois dans le conflit qu'il y avait entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les mouchriquins de Quraysh, est-ce que les disputes et les conflits qu'il y avait entre eux, c'était à propos de l'existence d'Allah? Est-ce que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu voir Quraysh, il leur a dit, acceptez de croire en l'existence d'Allah, croyez que Allah existe? Non. Parce que les mouchriquins de Quraysh, ils croyaient déjà que Allah existe. Et ils priaient déjà à Allah. Et ils adoraient déjà Allah. Quand ils faisaient le hajj, les mouchriquins, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient « Labbaik Allahumma labbaik hein? »« Labbaik ala sharika laka labbaik »« Illa sharikan hein? »« La sharika laka illa sharikan huwa lak »« Tamliku huwa ma malak » Ça qu'ils disaient dans leur talbiya. Donc ils disaient « La ilaha illallah » ils disaient « La sharika laka labbaik »« Illa sharikan huwa lak » Donc c'est comme si il disait labbaik la sharika labbaik Allahumma labbaik, hein, nous répondons à ton appel ô Allah, hein, et il dit tu n'as pas de partenaire excepté un partenaire qui t'appartient et qui est ta propriété et ce qu'il possède. Donc c'est encore un exemple aussi pour dire que il croyait que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui le seul maître et le seul créateur, mais il prenait des intermédiaires entre eux et Allah. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran par exemple, wa alaykum salam wa rahmatullah, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i shufa'auna 'inda Allah. Donc ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent Haoula shufa'auna 'inda Allah. Ce sont nos intermédiaires entre nous et Allah. Hein? On ne croit pas qu'ils sont les créateurs. On ne croit pas que c'est eux les maîtres. Mais on croit qu'ils peuvent nous aider à nous rapprocher d'Allah. Et comme dans le verset, par exemple, dans Surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا. C'est-à-dire ceux qui adoraient avec, en dehors d'Allah, des partenaires et des associés, hein, ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah, ils disaient, on les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est des créatures comme les autres, mais à cause de leur piété et de leur proximité d'Allah, ils pensaient qu'ils étaient capables de les aider, hein, à obtenir quelque chose d'Allah. Et donc le cheikh il dit, dans tous ces versets-là, hein, il y a la preuve que le fait que ces gens-là aient accepté la rububiyya, ça ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Parce qu'ils ont renié ce qui était établi par cette parole de la ilaha illallah, de l'unicité d'Allah dans l'adoration, et de purifier l'adoration pour qu'elle soit exclusive à Allah seul, et de renier tout ce qui est shirk et de se désavouer, hein, du shirk. C'est-à-dire, Yani d'accepter le tawhid dans l'adoration. Naam. Et le cheikh il dit wa kama qala ta'ala qul ya ahl al-kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Fa hadha at-tawhid huwa aslu al-islam. Donc il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dit ô vous les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, venez vers une parole commune entre nous et vous. C'est quoi cette parole commune? An la na'buda illallah. Qu'on ne va rien adorer excepté Allah. Et qu'on ne va rien associer avec lui dans l'adoration. Et qu'on ne va pas prendre, on ne va pas se prendre les uns les autres comme des seigneurs en dehors d'Allah. Hein? Et s'ils se détournent, alors dites-leur, soyez témoins que nous sommes musulmans. Hein? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah, la suite de cette explication, inshallah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.